La visibilité est excellente vers l'avant, pour dépasser ce peloton de cyclistes. Mais pour me trouver dans cette situation, si proche du peloton, c'est que j'ai dû mal anticiper ma manœuvre. En effet, je ne suis qu'à quelques mètres des cyclistes et une voiture derrière moi a déjà annoncé son intention de me dépasser et de dépasser dans la foulée le peloton. Je n'ai qu'à attendre pour l'instant. Réponse B.